explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ? Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Tout commence par un coup de foudre. En 2001, au hasard de la visite d'un aquarium, Claire Nouvian, alors journaliste et documentariste, découvre des images du peuple des abysses. Des êtres étranges, visqueux, parfois un peu effrayants, qui évoluent dans l'obscurité des profondeurs. La jeune femme se prend de passion pour ce monde bizarre et fascinant et entreprend de le faire connaître au plus grand nombre. Elle lui consacre des documentaires, un livre et une exposition. Mais en s'intéressant au fond des profondeurs, Claire Nouvian prend conscience qu'il est menacé par les assaut de la pêche industrielle. Elle décide alors d'agir et crée l'association Bloom, qui depuis une quinzaine d'années maintenant, se bat contre le chalutage en eau profonde ou encore la pêche électrique. Les enjeux financiers sont colossaux, les lobbies puissants et les décideurs difficiles à convaincre, mais qu'importe, notre documentariste devenue militante avance et sa persévérance paie. En 2016, le chalutage en eau profonde est interdit dans l'Union européenne. Son action lui vaut de recevoir en avril dernier le prix Goldman, souvent comparé au Nobel pour l'environnement. Aujourd'hui, Claire Nouvian nous emmène avec elle à travers les océans pour découvrir l'incroyable faune des abysses et dénoncer les ravages de la pêche industrielle. Mes amis, je ne sais où nous allons. Sur France Inter. Parfait, alors ça vous dit de faire un tour, allez-y. Le temps d'un bivouac. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Claire Nouvian. Bonjour. Fondatrice de l'association Bloom, auteure d'un livre intitulé Abyss aux éditions Fayard. Vous allez donc nous emmener à la découverte des grands fonds marins et nous expliquer en quoi certaines pratiques de pêche industrielle font des ravages dans les écosystèmes que l'on connaît pourtant à peine. Les auditeurs peuvent vous adresser une question via la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. À 17h, nous partirons à pied à travers les steppes de Mongolie à la rencontre des éleveurs nomades et des chamans. Voilà pour la feuille de route du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier, préparée par Solène Vary et Mathieu Aoued, avec l'aide de Cyrielle Laborde. Anvers, 15 septembre. Il est un peu plus de 10h du matin. Nous sommes à bord du Scaldis, le vapeur de 4000 tonnes qui, dans quelques minutes, emportera les professeurs Picard et Cousins vers l'une des plus fabuleuses aventures dont on puisse rêver. Nous avançons dans les coursives, nous entrons, pénombre, nous voici sur l'échelle, nous descendons, nous nous enfonçons maintenant dans les flancs du navire, voici le bathyscaphe, nous le découvrons peu à peu dans cette pénombre, d'abord sa partie supérieure, son toit peint en orange, ensuite le reste du grand réservoir à essence qu'il surmonte, qui constitue la partie supérieure, c'est une sorte de boîte d'aluminium peinte en blanc, 3 ou 4 mètres de haut en forme de... Latéralement, c'est un rectangle, en plan, une ellipse. Cette partie est comme, si vous voulez, le ballon de l'appareil. Nous étions le 27 septembre 1948 dans le port d'Anvers. L'expédition de Auguste Picard et Max Cousins s'apprêtait à prendre la mer pour tenter d'effectuer des plongées que personne avant eux n'avait effectuées. Claire Nouvian, le dernier monde à avoir été exploré sur Terre, c'est celui des grandes profondeurs. Oui, en effet. Et d'ailleurs, je suis ravie qu'on parle d'Auguste Picard parce que je trouve qu'il est quand même assez peu connu par rapport à ses apports dans cette connaissance des grands fonds et d'ailleurs de la navigation dans la stratosphère, parce que c'est grâce à lui, il a appliqué le principe de son ballon bathyscaphe d'abord à l'aviation. Donc c'est lui qui a quand même permis les débuts de l'aviation moderne. Mmh. Et ensuite, il s'est dit, mais si ça marche, en effet, c'est le même principe. Il voulait surtout pas être dépendant d'un câble et il se moquait de William Beebe dans les années 30 qui avait développé la bathysphère et non pas le bathyscaphe. Ouais. Et c'était une sphère d'acier qui était reliée à un câble. Il disait, moi, je ne mettrai jamais ma vie dans je ne remettrai pas ma vie dans les mains d'un câble, en fait, qui peut lâcher. De fait, un jour, qui a lâché. Et lui, il avait inventé cet énorme ballon. Et en 1960, c'est ce même Baptiste Caff qui a atteint le record. Avec Jacques Piccard, cette fois-ci. C'était son fils et John Walsh, effectivement. Ils atteignent le fond de la fosse des Mariannes, presque 11 kilomètres de profondeur. C'est l'endroit le plus profond sur Terre. Sauf que, surprise, on y allait en se disant, là, à 11 kilomètres de profondeur, on ne trouvera rien, pas âme qui vive. On a allumé les phares. Et là, surprise, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, Jacques Piccard dit justement avoir vu un poisson, une espèce de poisson plat, et pendant longtemps, les chercheurs lui ont dit que non, il devait être en plein délire des profondeurs, même si évidemment, il subissait pas la pression. Mais et en réalité, on a découvert qu'en effet, il y avait des formes de vie jusqu'au point les plus profonds de l'océan. En fait, la vie peut s'adapter à toute forme de pression bathymétrique, et que ça, c'était pas ça l'enjeu de la vie. L'enjeu de la vie, c'est les ressources disponibles d'un point de vue alimentaire. L'obscurité, le froid, la pression, les animaux s'en débrouillent, en fait. Mais l'absence de nourriture, ça, c'est un vrai sujet limitant. Il y a de la vie sur Terre, pour peu qu'il y ait des ressources de nourriture, y compris dans les grandes profondeurs. Votre rencontre à vous avec ce monde des profondeurs encore mal connu, mais dont on commence à avoir des images, des photos que certains ont eu la chance de pouvoir observer dans des sous-marins. Vous, c'est en 2001, vous visitez l'aquarium de Monterey, en Californie. Et là, c'est un choc, c'est une révélation pour vous. Oui, c'est un choc parce que je préparais un documentaire pour France 2 et cherchais des images en fait d'animaux, cherchais à voir est-ce qu'on pouvait filmer des créatures marines qui vivaient dans l'obscurité permanente. Donc l'obscurité permanente, évidemment, c'est les grandes profondeurs des océans, et seul l'aquarium de Monterey avait des images animées. Et ils avaient même une exposition qu'ils appelaient les grandes profondeurs, alors ça s'appelait The Deep. Et j'étais allée faire un repérage express pour voir si en fait il y avait vraiment matière à filmer pour un documentaire. Et là, en fait, je suis tombée à la renverse. Parce que je me suis rendu compte que non seulement il y avait matière à filmer, évidemment, mais qu'ils avaient un temps d'avance colossal sur nous, parce que eux ont un canyon, le canyon de Monterey, qui entaille, en fait, le littoral californien. Et ce canyon va jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Donc en fait, eux, c'est comme si dans leur jardin, ils avaient 4000 mètres de profondeur juste là. Donc ils prennent un bateau, une heure plus tard, ils peuvent être déjà dans un sous-marin ou alors avec un robot câblé en train d'explorer des profondeurs de 4000 mètres. Ce que nous, on ne peut pas faire, parce que nous, on a une pente douce vers les grandes profondeurs. Donc il nous faut quand même des heures ou des jours de navigation. Et donc, de cette facilité d'accès aux grandes profondeurs, ils ont tiré un parti incroyable, parce qu'ils ont exploré l'entre-deux-eaux. Donc, en effet, on est quand même dans un contexte, faut le rappeler, d'exploration. En effet, Jacques Piccard, enfin Auguste, ensuite Jacques, on était dans un contexte d'exploration des dorsales océaniques. On essayait de comprendre la tectonique des plaques, on était encore en train de tester les hypothèses de Alfred Wegener, est-ce que vraiment les continents bougent, les zones d'accrétion, d'expansion, etc. Et donc, on s'intéressait aux cailloux, à la géologie. Donc, ce sont des géologues qui avaient découvert les sources hydrothermales en 1977. Je n'attendais pas du tout à découvrir de la vie autour des fumeurs hydrothermaux à quasiment 3000 mètres de profondeur ou plus. Donc là, ce sont des sortes de petits geysers sous-marins, comme des îlots de biodiversité, vraiment au fond des océans, au niveau des dorsales. Voilà. Et donc, dans les années 70, 80, etc., on s'intéresse à ce qui se passe sur le fond, et on s'intéresse notamment à la géologie. Et donc, l'aquarium de Monterey, avec l'Institut de recherche qui est lié, eux, ils ont commencé à s'intéresser à la vie pélagique, c'est-à-dire l'entre-deux-eaux. Eux, ils ont utilisé leur batterie pour éclairer non pas seulement le fond et les cailloux, mais aussi l'entre-deux-eaux pour découvrir toutes ces formes de vie qui sont absolument spectaculaires et de fait très peu connues, parce que ce qu'on en connaissait, c'était ce qu'on ramassait dans les filets de pêche ou quelques filets d'exploration, mais très très peu nombreux. Donc là, en effet, le vampire des abysses, par exemple. Le vampire des abysses. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le vampire des abysses? C'est un céphalopode vraiment très ancien. Donc c'est un céphalopode donc, qui est vraiment au croisement, en fait, à l'origine, on va dire, l'embranchement des pieuvres et des calamars. Et on voit qu'il a des particularités qui le rendent totalement unique. Il a assez peu évolué depuis des millions d'années. Et c'est une petite pieuvre très foncée, mais qui est formidable. Allez voir sur Internet, vous faites vampire des abysses, vampire squid en anglais, vous tomber sur des vidéos incroyables. Et donc voilà, l'aquarium de Monterey a contribué à nous faire prendre conscience que cet entre-deux-eaux était peuplé très densément, et même que la masse vivante sur Terre, la plus abondante, elle se trouvait dans cet entre-deux-eaux-là qui n'avait pas été exploré. Alors c'est une révélation. Vous allez avoir vous-même envie, à travers des documentaires que vous allez diffuser sur Arte, à travers une exposition qui va se tenir au Muséum National d'Histoire Naturelle, à travers ce livre, Abysses, vous allez avoir de cesse que de montrer et de faire connaître au grand public ce monde des abysses. Vous allez aussi aller le voir de plus près. Vous allez pouvoir descendre dans un sous-marin pour vraiment aller le voir de de vos yeux ce monde des abysses. Avant que vous nous racontiez ça, je voudrais qu'on écoute cette plongée. Vous parliez tout à l'heure de William Beebe et Otis Barton, qui eux aussi, en leur temps, nous sommes dans les années 30, tentent les premières plongées à bord de la bathysphère. Ils ont écrit, fait le récit de ce qu'ils avaient vécu à ce moment-là. Peut-être que ça va vous raconter, vous rappeler des souvenirs. Je me trouve replié à l'intérieur d'une boule en acier glacial. Barton rapporte grâce au téléphone mes observations et l'assurance que nous nous portons bien. Le tic-tac de ma montre me semble aussi étrange que s'il provenait d'un autre monde. Plus on reste à l'intérieur de cette sphère, et plus on a le sentiment qu'elle rétrécit. Je presse mon visage contre le hublot, et je réussis à voir tout en haut, au-dessus de nous, une faible lueur bleutée. Je regarde alors vers le bas, et je ressens à nouveau cette envie de descendre encore plus, bien que cela ressemble à la gueule sombre de l'enfer lui-même. Il n'y a que les morts qui se soient enfoncés plus profondément. William Beebe et Otis Barton ont effectué plusieurs plongées, hein, donc au début des années 30, la première à 420 mètres, puis à 930 mètres. À 930 mètres, on est déjà dans le monde des abysses, Claire Nouvian? En fait, non, techniquement, on ne l'est pas. Les abysses, ça commence à 3000 ou 4000 mètres selon les classifications, mais par contre, on est déjà dans une zone d'obscurité quasi totale. Ouais. On perd vraiment toute forme de lumière à 1000 mètres, et s'il y a pas mal de particules en suspension, ça va être même à partir de 600 mètres ou 500 mètres. Mmh. Et avant, c'est un bleu très très intense, vraiment. Ouais. Très dense, où on voit bien que les organismes gélatineux, donc tout ce qui est siphonophores, cténophores, méduses, etc., sont vraiment très adaptés parce qu'on n'arrive pas à les distinguer dans cette masse bleutée. Ouais. Et il faut allumer en effet les phares du submersible pour distinguer les formes de vie. Comment vous l'avez vécu, vous, votre plongée à bord d'un submersible? Alors, surexcité, je peux pas dire. Je pense que le pilote savait plus comment me calmer. Moi, je me jetais d'un hublot à l'autre dans un minuscule espace où on a les jambes complètement emmêlées comme des spaghettis, et je me cognais la tête en permanence. Il me dit, mais calme-toi, je me suis rendu une fois dans ma vie. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit alors par le hublot? Moi, je voyais, c'était complètement dingue parce que je voyais exactement tout ce que j'avais préparé pour mon livre. J'avais réuni des images partout, entendu parler, lu des tas de publications scientifiques. Et là, je voyais tout ce que j'avais étudié pendant quand même des mois ou des années, venir là, vivant en fait, ouais. Dans le sens, mais c'est donc, ça existe en vrai, ouais. Et on voit des siphonophores, des méduses, des siphonophores, c'est comme des méduses attachées les unes aux autres avec des grands rideaux de tentacules. Mmh. Ça peut être l'animal le plus long du monde. Siphonophore géant, 100 mètres de long, ouais, on imagine plus, une guirlande de méduses. C'est alors une guirlande de méduses avec des rideaux de tentacules qui vont à la pêche aux minuscules organismes. On a même vu un poulpe à oreilles, donc ces petits poulpes Dumbo, rose, fuchsia, incroyablement beaux, des méduses atolla, rouges, qui font de la bioluminescence, comme une roue, comme la grande roue, c'est la foire du trône. C'est dingue. De toute façon, ils nous font forcément le cadeau, les pilotes nous font le cadeau de descendre tout feu éteint. Pour nous permettre d'assister à ce spectacle qui est, je pense, la chose la plus émouvante que j'ai vue de ma vie, qui est en effet le spectacle de la bioluminescence. Le fait que tous les organismes marins, très très large marge, plus de 98% d'entre eux, font de la lumière. Donc quand on éteint les feux du submersible, on dérange tous ces animaux qui émettent un signal lumineux. Donc c'est un passage. Feu d'artifice. C'est un feu d'artifice avec du bleu, du jaune, du rouge, du vert, de forme et de longueur d'onde différentes. Donc c'est pas seulement. Enfin, moi j'avais vu des étoiles filantes dans le désert de Libye un jour d'éclipse de lune. Donc c'était complètement dingue. Mais c'est ça. C'est incroyablement plus que ça, parce que c'est pas juste des étoiles filantes, c'est des flashs, c'est des pointillés, c'est des roues, c'est il y a tout, c'est insensé. C'est insensé, et ce qui est encore plus insensé, c'est que on se rend compte que cet univers, ce monde, on le connaît à peine. On dit souvent la surface des océans, c'est 75% de la planète. Mais si on prend l'épaisseur, parce que là on est dans un volume, on parle de plusieurs kilomètres de profondeur, ça devient un monde gigantesque, dont on connaît à peine même pas 1%. Ouais, c'est ça. On estime que si on pense en volume, en trois dimensions, l'espace qui est habitable par des organismes vivants sur Terre et à 99% dans l'eau. Donc oui, clairement, on est face au plus grand habitat de la planète. C'est pour ça que la BBC avait appelé sa série La Planète Bleue, ouais. l'a bien nommée. Et on connaît, oui, très peu. On a exploré moins de 1% du fond marin, par exemple. Ouais. Et alors, on comprend, après avoir émerveillé, après avoir fait de la vulgarisation de la pédagogie, vous avez pris conscience à quel point ce monde que l'on connaît à peine est en danger par des pratiques de pêche industrielles qui ne voient pas tellement plus loin que la rentabilité immédiate de leurs pratiques. Et ça vous a donné envie d'agir. Vous avez créé l'association Bloom. Nous allons voir comment votre association lutte contre le chalutage en eau profonde, mais aussi la pêche électrique qui se pratique encore. Pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. La première question, c'est qu'est-ce que je fous là? Les pieds dans la boue, tel le colosse d'argile, gardien de la foi, l'arbre a mangé la ville. Il n'en reste que des ruines, mais si tu patientes, tu prendrais racine. L'arbre dans la ville, il est plus solide que le building qui lui fait face. Je t'offre ma place. Oh, je sens que je disparaître, mais si tu patientes, je prendrai racine. L'arbre dans la ville, il est plus solide que le building qui lui fait face. Je suis l'arbre fleur, je veux ton bonheur, mais je sens que je c'était À Terre, haut sur France Inter. On va crever, c'est tout ce que c'est pour dire, on va crever. La pêche française, enfin nous personnellement, le filet, on va mourir, c'est sûr. On va à notre fin, c'est certain. De là au land jusque Calais, il n'y a pas de poisson. Quoi. Donc on voit bien que c'est dû à quelque chose, quoi, une technique de pêche qui pêche beaucoup plus qu'avant. Quoi. Pour eux, c'est de la pêche douce, mais pas pour nous, non. Nous, c'est la destruction. Frédéric Drogeris, pêcheur et président du comité des pêcheurs des pêches du Nord. On le sent en plein désarroi, Claire Nouvian. Alors, soyons clairs, vous, ce n'est pas contre ces pêcheurs hein, que vous vous inquiétez. Au contraire, vous êtes de leur côté. Pour eux, ces pêcheurs sont victimes de pratiques de pêche industrielles qui détruisent tout et sans discernement. Oui, alors on travaille avec eux. Ils sont victimes de deux choses, en fait, les pêcheurs artisans en France, en Europe, un peu partout dans le monde. Ils sont victimes d'une concurrence absolument déloyale avec des méthodes de pêche destructrices industrielles. Et ils sont victimes de ne pas être représentés politiquement, de ne pas être aidés. par l'Union européenne en matière, par exemple, financière pour être représentés. Donc, ils ne sont pas représentés. Ils sont supposés être représentés. Ils payent des cotisations dans des comités de pêche qui ne font pas le job, c'est-à-dire qui ne vont pas porter à Bruxelles leurs préoccupations, leur urgence réelle, professionnelle. Ils n'ont plus de poissons. Ouais. Ça pose des problèmes économiques. Ils font faillite. C'est très concret. Et on passe de plus en plus de temps dans les ports avec eux. En Europe, et on est, c'est vrai qu'on, ça devient une affaire sentimentale, en fait, parce qu'on quitte les ports de France et on se dit, c'est quand même incroyable de penser qu'on a des politiques publiques qui font exactement le contraire de la feuille de route très scientifique, très carrée qu'on a. On sait quoi faire pour préserver le poisson, pour préserver les emplois et pour ne pas aller taper dans la caisse commune, c'est-à-dire dans les subventions publiques. Et on fait le contraire. Ouais. Alors, on tape dans la caisse commune et on tape aussi dans un patrimoine commun, parce que finalement, cette biodiversité marine, hein, qui est le bien commun de toute la planète, de toute l'humanité, mais on doit le gérer tous ensemble. Et on n'est pas forcément, ne serait-ce que tous les pays, d'accord sur la façon de s'y prendre. Pour vous, on est engagé dans une sorte de course au dernier poisson, c'est-à-dire que pour le moment, ceux qui ont le dessus, ce sont ces gros industriels qui pêchent avec des pratiques qui ne laissent aucune chance à ce qu'un équilibre puisse s'installer dans les océans. Aucune chance à ce qu'un équilibre s'installe ni dans les océans, ni sur le littoral, d'un point de vue humain. C'est-à-dire que l'idée même que les pêcheurs artisans disparaissent, ça ne leur pose aucun problème aux industriels. Enfin, à la rigueur, et aux pouvoirs publics non plus, qui se disent, à la rigueur, c'est plus simple à gérer, d'avoir quelques gros bateaux, quelques grands représentants, plutôt que d'avoir une multitude de pêcheurs. Il se trouve que nous, en général, les citoyens, on préfère avoir des pêcheurs artisans qui ne sont pas subventionnés à la même hauteur que les pêcheurs industriels, qui participent d'un maillage de notre territoire, de la vie de nos territoires, d'un savoir-faire qui, en général, ont un impact environnemental bien moindre. Et donc, ce qui est fou, c'est de penser que ce sont les meilleures pratiques de pêche, avec le meilleur ratio de création d'emplois, avec le meilleur ratio en termes d'usage des fonds publics, des finances publiques, qui sont les plus sacrifiées par nos décisions collectives. Au profit de pratiques de pêche plus destructrices, comme le chalutage en eau profonde. Alors, soyons très concrets, c'est quoi le chalutage en eau profonde? Ça correspond à quoi concrètement ? Alors déjà, en parlant du chalutage, c'est-à-dire sont quand même des filets qui sont tirés, traînés par le bateau, qui sont ouverts par des panneaux en général, qui raclent le fond et qui ne sont pas du tout sélectifs évidemment, puisque le tri se fait à bord du bateau et on rejette ce qui ne nous intéresse pas. Souvent déjà mort oui, quand on oui, le rejette. Oui, forcément, puisque c'est impossible de survivre dans cette lessiveuse, hein, puisque un chalutage, c'est, enfin un grand chalut, ce grand filet tiré, c'est une lessiveuse. Et donc le chalutage est une méthode de pêche qui est complètement anachronique. Vous voyez, on se rend compte qu'on a un vrai problème de biodiversité qui est en déclin, qui est même en péril, que les écosystèmes sont arasés en fait par cette technique de pêche qui est vraiment qui oblitère, qui transforme les écosystèmes marins. On stérilise littéralement la mer et le fond de la mer en pratiquant ce type de pêche. On détruit toutes les structures tridimensionnelles. Vous voyez, donc on est en train, on coupe la branche sur laquelle on est assis. On le fait depuis des décennies. Cette méthode de pêche est critiquée. Elle est aussi énormément consommatrice de gasoil, puisque ce matériel pèse lourd, qu'avant même d'avoir attrapé le premier poisson, il faut quand même dépenser beaucoup de gasoil et donc d'argent. Et donc, cette méthode de pêche est la plus dépendante des subventions publiques. C'est-à-dire que sans subventions publiques, on aurait déjà, je pense, commencé à faire évoluer le secteur de la pêche vers des méthodes beaucoup plus douces, et pour l'environnement marin et pour les pêcheurs, c'est-à-dire qu'on aurait préservé nos emplois. Or, ce n'est pas ce qu'on a fait. Mais sauf que le chalutage, en général, est en difficulté économique chronique. Et donc, il ne peut survivre qu'avec des subventions publiques, d'une part, et dans un contexte où les poissons déclinent, là où il y a de moins en moins de ressources, les chalutiers sont obligés d'inventer des technologies qui permettent d'attraper le poisson plus vite, de façon plus efficace. D'où l'usage de l'électricité, ou alors d'où le fait que les chaluts se sont enfoncés, c'est-à-dire ils sont vraiment allés chercher de plus en plus profondément la ressource, de plus en plus loin de nos côtes. Et c'est ce mouvement dont on n'arrive pas à sortir. On a un problème de surcapacité. Il y a trop de bateaux, trop efficaces, et on n'arrive pas à régler ce problème-là. Donc on va de plus en plus loin, on va de plus en plus profondément, sans se remettre en question. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles dans votre combat. En 2016, vous avez gagné l'interdiction de la pêche en eau profonde dans l'Union européenne, donc dans les eaux gérées par l'Union européenne. Le problème n'est pas réglé à l'échelle de la planète, mais c'est déjà une belle victoire. Oui, c'était une belle victoire, mais vous voyez, alors d'abord merci aux citoyens, parce que sans les 900 000 Français qui se sont, enfin pas que des Français, mais surtout qui se sont mobilisés à nos côtés, on n'aurait jamais gagné. Donc j'espère que juste les gens se rendent compte que sans leur mobilisation, le clic, la pétition, le soutien financier des ONG qui sont expertes, on n'arrive à rien, que les choses soient bien claires. Et d'autre part, il a fallu 8 ans, vous voyez. Pendant ces 8 années-là, on est une petite équipe, on était plus que mobilisés, on était nuit et jour sur le front. Pendant ce temps-là, arrivaient d'autres problèmes, de nouveaux problèmes, oui, comme le chalutage électrique. Ouais. Et donc, on a quand même un problème. C'est pour ça que je remets en cause les structures de décision de l'Union européenne, parce qu'on a un problème des structures en place. C'est-à-dire que les décideurs publics sont dans une collusion avec les industriels, dont ils se rendent évidemment compte, parfois pas, on va dire qu'ils sont naïfs, mais non, ils se rendent compte de ça, et donc ils font le choix éclairé de donner raison à celui qui est le plus fort, le plus représenté, qui a le plus grand nombre de lobbyistes à Bruxelles ou qui peut lui ramener, du financement pour sa campagne électorale, des appuis locaux, etc. Et ça, ce n'est plus possible. Vous voyez, on a besoin de changer de feuille de route, on a besoin de changer de matrice. Notre système de production, de consommation ne fonctionne plus. Ce capitalisme ne peut plus continuer tel quel parce qu'il est mortifère, en fait. Et il va falloir qu'on invente une nouvelle façon de vivre. Et ça ne fonctionne pas avec les décideurs publics qu'on a en place. Alors il y a, vous le disiez, à peine cette victoire remportée, de nouveaux combats à mener, notamment contre la pêche électrique. Alors la pêche électrique, vous allez nous expliquer ce que c'est, mais avant, peut-être, je suis assez sûr que ce que nous allons entendre là va vous énerver, je vais vous faire écouter le témoignage, en tout cas le point de vue de Pim Visser, qui est directeur de l'association des pêcheurs néerlandais. Pour lui, la pêche électrique est une solution, et qui plus est, une solution écologique. Là, il y a à peu près 40 tonnes de poissons. Là, c'est des soles. Ici, les merlans. Tout ça, ça a été pêché grâce à la pêche électrique. Et c'est de la super qualité. Vous voyez, l'électricité, ça vient de cette partie en cuivre. C'est une décharge très faible qui stimule le poisson dans le sable. La pêche électrique, c'est pas mettre les doigts dans la prise. Cette technologie est même utilisée par les médecins. C'est une économie de 50% en carburant. Donc ça nous aide à respecter les accords de Paris en matière d'émissions de CO2. Les seuls opposants sur le sujet sont en France. On comprend pas pourquoi il y a une telle peur. On voudrait juste avoir un débat équilibré. Alors, une des opposantes françaises est à cette table, c'est Claire Nouvian. Donc on vient d'entendre Pim Visser, directeur de l'association des pêcheurs néerlandais. Alors, l'extrait, c'est de l'émission C'est Politique, un reportage de l'émission C'est Politique diffusé en novembre 2017. Avant de répondre et dire pourquoi vous trouvez ça pas du tout écologique, cette pêche électrique, expliquez-nous... quel est le système? Comment ça, on a besoin d'électricité pour pêcher? Alors oui, et puis en plus, d'abord merci d'avoir passé cet extrait, parce que en fait, c'est de la propagande totalement mensongère. Et il y a une question éthique. Est-ce qu'on est d'accord avec l'usage de l'électricité dans un milieu naturel sauvage comme l'océan, sachant qu'évidemment l'électricité ne peut pas être sélective. Quand on envoie du courant électrique, on va électrocuter l'ensemble de l'écosystème. Est-ce que ça, c'est une question éthique? Mais nous, on répond. Même pas avec des arguments éthiques. On répond avec des questions scientifiques. Ah, c'est un problème scientifique. Quand il dit qu'il y a une économie de carburant, c'est faux. Donc ça, mais c'est faux, c'est chiffré, voilà. Ce que ça permet de faire, cette pêche électrique, donc ce sont les mêmes chaluts qu'on décrivait tout à l'heure, des filets qui sont traînés sur le fond, très impactants pour le milieu marin, qui en plus ont des longs câbles qui sont distribués le long du chalut et qui envoient de l'électricité. L'électricité, telle qu'elle est prévue d'ailleurs dans le règlement européen, n'est pas limitée. C'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer des vraies châtaignes, vous voyez. Ouais. Ça, c'est possible parce que les paramètres tels qu'ils sont définis permettent d'avoir des crêtes en fait d'usage du courant qui peuvent absolument mais brûler tout ce qu'il y a sur le fond. Mais quel intérêt ça a ? C'est-à-dire que ça fait ressortir tout le vivant du sol. Évidemment, parce qu'on est électrocuté, vous imaginez, c'est un courant qui est bipolaire. Donc ça fait exactement, c'est la même nature de courant électrique qu'un taser. Donc c'est-à-dire que ça crée une convulsion musculaire, c'est d'une telle force que vous ne pouvez pas y résister. Aucun organisme marin ou vivant ne peut résister à cette convulsion. Donc après, c'est une question en effet de se dire, est-ce qu'on accepte de faire convulsionner en fait. Faire du popcorn avec avec tout ce qu'il y a là-dedans, sachant qu'il faut quand même savoir que le courant qu'ils utilisent est suffisamment fort pour que 50 à 70% des cabillauds de grande taille ont la colonne fracturée quand même. Mmh. Alors qu'on vient nous expliquer ensuite que le courant est doux, etc. C'est pas vraiment ce que nous on appelle doux. Cette histoire de consommation de carburant. Alors ça a été leur gros argument au Parlement européen quand on a gagné un vote. Ça veut pas dire qu'on a gagné la bataille. Mmh. Attention, pas du tout. Mais on a gagné le vote du Parlement européen. Et les lobbies néerlandais, qui sont particulièrement violents et mensongers, bon, on le savait des lobbies en général, mais ceux-là sont quand même assez gratinés, ils passaient en disant « mais l'accord de Paris, vous voyez, tous ces beaux éléments de langage, donc on se dit « mais c'est incroyable qu'ils arrivent à affirmer des choses pareilles ». Ça consomme exactement la même chose qu'un chalutier traditionnel, le chalutier électrique, sauf que ils arrivent à augmenter de façon radicale leur capacité de pêche. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Donc, en effet, ils peuvent rafler la mise en moins de temps. Ouais. Donc, l'économie de carburant, elle vient simplement du fait que leur efficacité est absolument décuplée. Ouais. Donc, c'est en fait argument d'une grosse mauvaise foi. Ouais, puis on est vraiment dans une arme de destruction massive, vous voyez, parce que théoriquement, on peut se dire, mais est-ce que vraiment on peut vider l'océan et attraper jusqu'au dernier poisson? Vous savez quoi, maintenant? Oui, on le peut. On le peut. La pêche électrique, ça peut exactement mais faire je ça. Je croyais qu'en 1996, de mémoire, la pêche électrique avait était interdite. Ça n'est pas le cas, alors? Alors, ça a été interdit, seulement la Commission européenne, de façon totalement arbitraire, dans son coin, comme elle fait bien souvent, parce qu'on la connaît maintenant, cette commission, sur d'autres sujets comme le glyphosate, les perturbateurs endocriniens, le tabac, etc. La Commission européenne a proposé qu'on autorise une pêche qui était interdite depuis 1998. Et, ni vu ni connu, dans des centaines de pages de documents, le Conseil a accepté cette proposition de la Commission. Donc, depuis 2007, la pêche électrique est maintenant autorisée sous forme de dérogation, qui en fait n'ont bénéficié qu'aux Néerlandais qui étaient en train de faire faillite avec leur pêche traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils dépensaient trop de gasoil, voilà. Et donc on a payé, attention, parce que la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a payé, nous, les Européens, les Français, les Polonais, les Bulgares, etc., avec nos impôts, on a payé l'investissement des Néerlandais, on leur a offert leur outil de travail, on a offert l'électrocution de la vie marine aux Néerlandais. C'est un scandale financier et politique. Aujourd'hui, vous luttez contre la pêche industrielle qui détruit aveuglément les écosystèmes marins, Claire Nouvian, mais vous pensez qu'une pêche durable est possible? Et nous allons en parler dans la suite de l'émission. I'm sorry for your loss of soul and hope. You find a better ride. American saddlebred. John Parrish et PJ Harvey, Sorry for You Loss sur France Inter. Ça y est, c'est parti? Yes, now we're fishing. Ouais. Here comes the fish. Les poissons arrivent. Ici, quand on pêche, ça marche à tous les coups. Ah mais c'est génial, il y a un poisson tous les 10 cm. Mais c'est la pêche miraculeuse, oh là là. On a tous les poissons du fjord. Ça c'est un prédateur, il est dangereux. Vous voyez ses dents? C'est un chasseur de la mer. Ah, celui-là on ne connaît pas. Et c'est étonnant parce que à chaque fois il y a un poisson différent. C'est une leçon de choses de la vie sous-marine des fjords en fait. Un extrait d'un documentaire diffusé dans Faut pas rêver sur France 3 en 2017 avec Philippe Googler. Nous étions en Norvège, Claire Nouvian, et vous-même, vous y étiez il n'y a pas si longtemps, vous en revenez Norvège. Vous avez vu ces eaux, sont-elles aussi poissonneuses que le laisse entendre ce documentaire? Est-ce qu'effectivement la pêche est mieux gérée en Norvège? Ah oui, non, mais c'est incroyable la Norvège. C'est comme si on prenait une machine à remonter le temps, je pense. Parce que c'est comme ça qu'on se figure quand on lit tous ces récits qui ressemblent à des légendes, en fait, d'océans remplis, presque on marcherait sur le poisson. Et là, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on met une ligne à la mer, mais c'est vexant presque. Et ils se jettent sur les hameçons. Et donc, on a envie de dire, laissez-moi ma dignité quand même. Fallait que j'attende un peu, que je me batte. Non, rien du tout. Et en fait, on remonte quatre merlans d'un coup. Trois cabillauds, des aigles fins et tout. Non, mais on n'en revenait pas. On croyait qu'on était des pêcheurs géniaux. En fait, pas du tout. Il y a une telle abondance de ressources. C'est absolument incroyable. Ça s'explique certainement, ça. On vient de parler de tous ces dégâts de la pêche. Oui, ils n'ont pas rejoint l'Union. Alors, c'est ça la seule raison? Oui. Ils gèrent leurs ressources sans que personne ne puisse interférer en fait dans leur programme de gestion. Ils n'ont pas à subir les effets de la politique commune de la pêche. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans l'Union européenne. Mmh. Et je pense qu'ils ont à voir comment ils gèrent en effet leurs eaux. Ils ont eu bien raison. Après, s'ils étaient dans l'Union, je pense qu'ils seraient obligés d'arrêter la chasse à la baleine. Et ça ferait aussi du bien à l'écosystème parce que c'est quand même pas très pardonnable. Hein. On est quand même en 2018, faut arrêter. Mais oui, d'un point de vue de l'abondance, c'est fou. On se dit, c'est donc possible. Ouais. C'est donc possible si on gère de façon très stricte l'accès à la ressource. On peut donc conserver des ressources, on peut conserver des villages entiers de pêcheurs. Donc c'est possible de faire vivre cette économie. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font justement pour garder ces eaux poissonneuses, pour avoir des pêcheurs qui se servent mais juste ce qu'il faut? Concrètement, ça se passe comment chez eux? Après, il y a des tas de modalités de gestion de la pêche. On peut limiter le nombre de navires, on limite le nombre du prélèvement. En fait, quels sont les prélèvements, les quotas, hein. On a des quotas de pêche, on a des zones de pêche, on a des zones de fermeture, on a des périodes. Donc, ça, on a en fait une palette d'outils qui est très variée. Et quand on utilise l'ensemble de ces outils de façon intelligente, en faisant reposer la décision publique sur des avis scientifiques, sur une connaissance scientifique du milieu, on arrive évidemment à trouver bon an mal an un équilibre avec la nature. Simplement, nous, on a déjà un défaut majeur en Europe. Vous avez remarqué qu'on ne suit pas les avis scientifiques. Parfois, on s'assoit carrément dessus, ce qu'avait fait justement la Commission européenne avec la pêche électrique. Elle est allée contre les avis scientifiques. Ils ne sont que consultatifs. Et donc, à un moment donné, il faudrait simplement dire, bon, puisqu'on a tous ces chercheurs qui font un travail intelligent de recensement de la ressource, il faut absolument tenir compte de ces avis. Nous allons voir avec vous, dans la dernière partie de l'émission, les actions que vous préconisez très concrètement pour que la situation s'améliore et comment nous, citoyens ou consommateurs, nous pourrions agir pour que la situation s'améliore. Mais avant cela, offrons-nous un nouveau plongeon dans les océans avec Hugo Struna. Bonjour Hugo. Bonjour Daniel. Vous êtes journaliste à Viginature, programme de sciences participatives du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Et comme toutes les semaines, vous nous faites écouter des sons enregistrés par des scientifiques du Muséum. Pour cette dernière chronique, vous nous emmenez sur les îles Kerguelen, au cœur de l'océan Austral. Nous sommes fin septembre, à la fin de l'hiver austral dans les îles Kerguelen. Les auditeurs du temps d'un bivouac en ont déjà entendu parler, forcément. C'est un tout petit archipel français au sud de l'océan Indien, connu notamment pour être un repère d'éléphants de mer. Vous savez, ces énormes phoques qui passent leur temps étalés sur les cailloux à faire la sieste ou, comme on l'entend, à se battre pour une femelle. Ah oui, ils sont en train de se battre là. Mais ne les jugeons pas trop vite, car ces molosses sont en train de devenir de véritables scientifiques. C'est-à-dire, précisez Hugo. Alors depuis 2003, des chercheurs de différents laboratoires internationaux, dont le Muséum de Paris et le CNRS, ont installé sur les éléphants de mer des capteurs, des petits boîtiers d'une dizaine de centimètres fixés sur le haut de leur tête. Objectif, faire des mesures océanographiques. Et oui, car après s'être accouplés et reposés sur terre, les éléphants de mer vont partir pendant 10 mois. Ils vont parcourir des milliers de kilomètres dans l'océan austral jusqu'aux côtes antarctiques, en récoltant, sans le savoir, de précieuses données scientifiques. Alors qu'est-ce qu'on mesure exactement ? Alors plein de choses. Les éléphants mesurent la température et la salinité des océans in situ. Les données sont transmises en temps réel par les satellites grâce aux fameuses balises Argos. Mais dorénavant, certains sont équipés en plus de petits enregistreurs sonores, des acousondes. Et là, ce qu'on entend, c'est un de ces enregistrements réalisés par ces acousondes, Hugo, c'est ça ? Oui, alors nous sommes là en ce moment sous l'eau, sur la tête d'une femelle éléphant de mer qui vient de quitter Kerguelen. La voilà dans l'immensité de l'océan austral, à la recherche de petits poissons ou de calamars. Tiens, là, on n'entend presque plus rien. Pourtant, l'enregistrement continue. L'éléphant est en phase de dérive. Il ne nage plus. Il plane en quelque sorte dans l'eau. Et c'est pendant cette phase qu'on peut faire quelques rencontres sonores intéressantes. Alors là, ce n'est pas l'éléphant de mer que l'on entend. On a l'impression de mouettes sous-marines. Je ne sais pas exactement ce qu'on entend. Ce n'est pas des mouettes. L'éléphant est en compagnie de cétacés, des orques et des globicéphales en particulier, qui sifflent et qui cliquent. Les scientifiques étudient ainsi les communications entre les cétacés, mais aussi leurs déplacements. Et oui, grâce à l'éléphant, on peut avoir la date et connaître le lieu de cette belle rencontre. Et toutes ces mesures, les navires océanographiques peuvent nous les donner. Le grand avantage avec les éléphants, c'est qu'ils se déplacent partout, dans des endroits où les navires ne peuvent pas se rendre, où il n'y a pas de bouée de mesure non plus. Il faut savoir que l'océan austral est le plus isolé de la planète. L'animal peut aussi aller sous la glace, plonger entre 500 et 2000 mètres de fond, donc très profond, et prendre des mesures jusqu'à la surface. Ah tiens, en parlant de surface, nous y voici. Là, il vient de ressortir de l'eau, là, c'est ça ? Oui, là, l'éléphant est remonté à la surface, donc. Et si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre sa respiration. Vous entendez les soufflements en fond ? Ah oui, en fond. Parce que sinon, il y a des petits bloup, mais ça, oui. C'est pas ça. Ça, ce sont les gouttes d'eau. D'accord. Mais si vous entendez bien derrière, on entend le soufflement. Et grâce à cet enregistrement, les scientifiques ont pu étudier la respiration de l'éléphant de mer, le rythme cardiaque. Récemment, on a découvert quelque chose de très intéressant. Vous, Daniel, lorsque vous courez pour arriver à l'heure en studio, votre rythme cardiaque augmente et votre respiration accélère. Eh bien, chez l'éléphant, la fréquence de respiration ne varie pas. Une respiration toutes les 3 secondes, pas plus, pas moins. Par contre, lorsqu'il est fatigué, il reste plus longtemps à l'extérieur pour reconstituer le stock en oxygène, entre 1 minute 30 et 2 minutes 30, suivant l'effort fourni. Voilà ce que ces sons nous ont appris notamment. Et on en apprend donc beaucoup sur ces animaux, mais aussi sur l'océan austral. Aujourd'hui, 90% des informations que nous avons sur la température et la salinité de cet océan proviennent des mesures faites grâce aux balises posées sur les éléphants de mer. Grâce à l'acoustique, on espère en apprendre davantage sur les éléphants de mer, ses comportements, la dynamique des populations. Et les scientifiques sont impatients de savoir quels animaux ils rencontreront durant leurs nombreux voyages. Et comment les scientifiques récupèrent les enregistrements ? Car contrairement aux balises Argos, les données ne sont pas envoyé en direct au satellite. Alors je crois. C'est une véritable expédition. Déjà pour installer les sondes, il faut attraper l'animal, l'anesthésier, et pour les récupérer, il faut retourner à Kerguelen quelques mois plus tard, en mars-avril, lorsque les éléphants regagnent l'île pour la mue. Et là, le temps est compté, il faut faire vite pour retrouver les animaux avant qu'ils ne perdent leur fourrure, sinon la sonde est perdue. Et cela dans une île grande comme la Corse, imaginez. Ah oui, on imagine bien, ouais. Une fois la mue terminée, ils repartiront tout l'hiver pour revenir se reproduire à Kerguelen en septembre. Allez, après ces longs mois de mesures, laissons-les tranquilles. Ils méritent bien une petite sieste, ces éléphants océanographes. Merci Hugo Struna, c'était un plaisir de voyager avec vous dans l'univers sonore capté par tous ces scientifiques pendant tout l'été. Et je tiens à remercier en particulier Christophe Guinet du CNRS et Flore Samaran de l'ENSTA Bretagne pour leur enregistrement. Un grand merci aussi à tous les scientifiques du Muséum National d'Histoire Naturelle qui se sont démenés pour me trouver des sons durant tout l'été, parfois même pendant leurs vacances. Merci à eux. Mais merci à vous Hugo, et effectivement un grand merci à tous ces scientifiques. Claire Nouvian, à quel point le bruit généré par les activités humaines en mer perturbe également les écosystèmes marins auxquels vous vous intéressez? Eh bien, énormément. En fait, c'est pas du tout notre domaine de compétence, je tiens à le dire, mais il y a un bioacousticien qui s'appelle Michel André qui m'avait quand même déjà pas mal sensibilisé à ce sujet. Lui, il mesure le son et il regarde ce que ça a comme effet sur les cétacés, notamment les dauphins et les baleines. Et ils se sont rendus compte, en fait, en étudiant ces mammifères marins, que le son, en fait, le milieu marin était vraiment très sonore, en fait, vraiment très très pollué d'un point de vue sonore, et masquait déjà la communication des animaux entre eux. Donc ils peuvent pas s'informer des dangers d'une part, et ensuite ça peut aussi provoquer des surdités chroniques, ce qui les empêche de se repérer, ça crée des échouages massifs, ce qu'on a vu plusieurs fois et ce qu'on voit régulièrement, ça les désoriente complètement, ils ont du mal à s'alimenter. Donc voilà, et évidemment parfois le son est tellement violent et subi que ça peut même créer la mort subite en fait chez certains animaux. Et ils ont montré aussi que ça n'avait pas simplement d'effet sur seulement les mammifères marins, mais aussi sur tout un tas d'espèces, même des calamars ou des crevettes, pourtant qui n'ont pas d'oreilles, mais qui ont des systèmes qui s'en rapprochent. Donc eux-mêmes qui peuvent avoir des problèmes d'alimentation et d'orientation. Donc oui, c'est un autre problème, un problème de plus dans l'océan. Un problème de plus dans l'océan. Et comment nous, consommateurs et citoyens, pourrions-nous agir à notre échelle pour préserver ces écosystèmes marins? C'est ce que nous allons voir avec vous, Claire Nouvian, dans un instant. Et puis vous répondrez aux questions que les auditeurs vous ont envoyées sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. The World, c'était Danger Mouse sur France Inter, le temps d'un bivouac. Nous sommes toujours en compagnie de Claire Nouvian qui, avec l'association Bloom qu'elle a créée, milite contre la pêche industrielle et pour une pêche plus durable. Il y a beaucoup de questions d'auditeurs, Claire, donc je vais vous les poser dans un instant, mais juste avant, je vous propose d'écouter le chercheur et humaniste Théodore Monod. Il était spécialiste des déserts, mais aussi a étudié les poissons. Et il a d'ailleurs fait des plongées à bord de sous-marins et il s'est exprimé sur l'avenir de la biodiversité en général et en particulier sur celui de la faune marine. Ce que j'ai dit et ce que je continue à penser, c'est que le jour où les primates auront réussi à disparaître, ce qui n'est pas invraisemblable maintenant qu'ils ont le moyen de détruire la vie sur la Terre, il y aura un relais, à moins que la mer ne soit elle-même définitivement stérilisée. Mais ce n'est pas certain. peut-être que ça sera uniquement la vie terrestre et aérienne. Il restera la mer. Et la mer, c'est quelque chose. D'abord, c'est pas une surface, c'est un volume. La moyenne de la profondeur des mers, c'est 4 km. Et il y a du monde là-dedans. Évidemment, à 10 000 mètres, il y a plus grand monde. Mais enfin, il y a encore des animaux. Et alors, je me suis demandé si les céphalopodes en général, c'est-à-dire le groupe de mollusques auquel appartiennent les calmars, les pieuvres, les poulpes, etc., ne seraient pas le groupe qui viendra un jour relayer les vertébrés quand ils auront disparu par leur sottise ou leur orgueil. Claire Nouvian, je ne sais pas s'il était optimiste ou pessimiste, en tout cas il nous voyait, nous, disparaître avant les fonds marins, il voyait presque ces êtres venus du fond des mers repeupler la Terre une fois que nous aurions fait nos ravages. Vous ne le voyez pas comme ça, le scénario, vous ? Non, pour l'instant, je vois les choses d'un point de vue scientifique. Et c'est vrai que je connais assez peu de scientifiques qui sont pleins d'espoir. Le problème étant nous, hein, juste nous, notre façon d'être court-termiste, en fait. Mais je préférais que la Terre soit repeuplée de Théodore Monod que de céphalopodes parce qu'il nous manque. Jolie réponse. Je vous pose quelques questions de nos auditeurs. Dominique vous dit, la pêche artisanale est-elle vraiment suffisante pour nourrir des millions d'humains? Et quel est le prix du produit artisanal sur les étals à 500 km? Est-ce concurrentiel? On ne peut faire abstraction du prix, sauf pour des bobos aisés, nous dit Dominique. Oui, mais vous savez, la pêche artisanale est très très peu subventionnée par rapport à la pêche industrielle. Donc déjà, si on enlevait cette artificialité économique que sont les subventions publiques, en réalité, on reviendrait forcément à de la pêche artisanale, vivrière, notamment dans les pays du Sud, puisqu'on a exporté notre surcapacité de production. On a des énormes bateaux qui ont vidé nos océans et qui sont allés plus loin chercher la ressource qui fait défaut ici, vous voyez. Et ça pose des problèmes sanitaires, ça pose des problèmes économiques. On est en train de déstructurer quand même des communautés entières, notamment en Afrique, et c'est inacceptable, vous voyez. Donc je pense que oui, bien sûr, la pêche artisanale peut nourrir le monde entier. Il se trouve qu'il y a aussi des ressources qui sont hauturières, qui se trouvent loin des côtes, et ça n'aurait aucun sens de ne pas aller exploiter avec modération cette ressource-là. Et ça ne peut pas être fait dans des embarcations qui sont légères, bien sûr, mais on est très très loin de cet équilibre. Dominique ajoute à sa question, ne devrait-on pas généraliser les fermes aquacoles à l'identique des élevages terrestres? Alors, il se trouve que d'abord, 50% du poisson produit dans le monde est issu aujourd'hui de l'aquaculture, hein, donc c'est déjà une tendance très très lourde, hein, aujourd'hui. Mais est-ce que c'est une méthode pour préserver les alors, écosystèmes sauvages? Alors ça dépend de quel poisson on parle, parce que si on veut consommer des beaux filets de poissons blancs, évidemment que là on parle de d'espèces qui sont carnivores, il faut générer donc des fermes qui vont leur donner des farines. En gros, on va prendre du poisson de fourrage, qu'on appelle des petits poissons dans les océans, on va aller attraper les dernières espèces qui existent en abondance, on va les transformer, les réduire en farine pour les donner à manger à des espèces qui sont des espèces carnivores. Cette aquaculture-là, c'est non. Ça, c'est une voie bouchée. En revanche, une aquaculture qui irait vers des espèces qui sont herbivores dans une aquaculture qui intègre différents niveaux trophiques, hein, donc des algues, des mollusques pour nettoyer l'eau et ça, on peut faire du vertueux, y compris en aquaculture, comme les Chinois, il y a des milliers d'années déjà, hein, d'ailleurs. Il faut un peu réinventer ça, mais on n'en est pas non plus... On n'est pas sur cette voie-là. Ce ne sont pas aujourd'hui les poissons qu'on a envie de manger. Alors, sur la pêche électrique, il y a plusieurs questions. Philippe, peut-on, en tant que consommateur, acheter du poisson labellisé non électrique? Et puis Sylvie, vous parlez de quotas de pêche en Norvège, mais il y en a aussi dans l'Union européenne. Et je vous le fais aussi, celle de Patrick, pardon, sur la pêche électrique. Comment peut-on soutenir l'action de Claire Nouvian pour aller vers l'interdiction de la pêche électrique rapidement? Ça vous fait trois questions. Alors, sur la pêche électrique, comment nous soutenir? Je commence par le plus important, suivre nos actualités, s'intéresser à la politique, en fait, puisque la ressource, le poisson, c'est une ressource qui est publique, qui est commune, et elle n'est administrée que de façon politique. Donc, on ne peut pas s'occuper des océans sans s'occuper de politique. Donc, par pitié, intéressez-vous à la politique, notamment la politique européenne, et votez comme il faut. Et je peux vous dire que les députés qui nous suivent de façon fidèle, qui sont fidèles au poste, c'est toujours, malheureusement, les Verts et la France Insoumise. Et parfois, le Modem va nous prêter main forte, etc. Mais de façon globale, il y a eu une alliance entre les sociaux-démocrates européens et la droite conservatrice européenne. Et ça, ça forme un bloc qui va contre les intérêts, en gros, des citoyens de la pêche artisanale. Donc, si, il faut voter pour des petits partis, selon ses affinités politiques, parce que eux, ils font le travail. Vraiment, ils connaissent leur dossier. Et ensuite, évidemment, on a besoin d'argent, on a besoin de gens qui nous aident. On peut pas les payer aujourd'hui. On est 7. Il faudrait qu'on soit bien plus. Et on ne peut pas le faire. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, Peut-on, en tant que consommateur, acheter du poisson labellisé électrique? Oui, et les quotas de pêche en Norvège. Alors, le label, donc non, on ne peut pas savoir par le biais d'un label si le poisson a été pêché avec une méthode électrique ou pas. En revanche, je peux vous alerter sur un énorme danger qui est une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, car le label qui est le plus communément rencontré sur nos étals, dans nos supermarchés, c'est le label MSC, et il a failli labelliser des chaluts électriques. Donc attention, danger sur les labels. Mmh. Et la dernière question, c'est les quotas. Les quotas, c'est long. En plus, c'est une question longue et compliquée. Oui, il y a des quotas en Europe. Ça commence parfois à donner quelques résultats, mais on a que 10% de pêche durable en Europe. Donc on a encore une pente à remonter. Merci Claire Nouvian. Merci. Je rappelle que vous dirigez l'association Bloom. Nous allons mettre un lien vers votre site pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur vos actions et les soutenir. Je vous présente notre invité de la deuxième heure, Marc Allot. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Vous êtes passionné par la Mongolie. Vous avez traversé à pied les prairies centrales, le désert de Gobi et les régions plus montagneuses. Vous allez donc nous emmener avec vous à la rencontre des éleveurs nomades et des chamans de Mongolie.